infirmière, okay. Oscar et FK. Ok. J'ouvre le bal, j'suis pas un ange, j'suis pas un lover. Dans mon crew, t'as me fait le tourne comme un ange Oliver. J'pagaye dans la merde pour la gloire. Lyric slam de Mac 3 aux aguets. Moi j'suis pas gay comme Magloire. À terre quand la voix décide des rails, j'craque, sniff des rails. Le cerveau dans une galaxie intersidérale. J'm'en fous des lois, moi j'leur crache dessus comme un lama. En France, la masse est à la ramasse comme les rois mages. Entre ces comptes, comptes et qui contrôlent comme un examen. Le mal me plante avec ses mains, va me gratte comme l'eczéma. J'suis un caméléon comme Jarod. Dans le purage Barod, j'nique ta daronne et c'est Charon derrière Charon. J'ai pas d'étape après étape, tu casses les os comme une meuf plate. Dans ce biz, mec, j'range mes pattes étape. C'est qui sert et qui est l'ingrat, rien de grave. J'te sers du somme bien gras, j'fox bâtard dans le droit. Celui qui m'a dit jovial s'est bien trompé sur mon compte. Mon rap est tellement dramatique qu'il fait pleurer la Joconde. J'ouvre la brèche d'une blessure profonde. À chaque pause que je fais con, les larmes tombent. Hey. Pour noircir la feuille blanche, mon écriture est terne comme à la veille d'un enterrement. Sombre d'esprit, j'écris le cœur blessé. En quelques mesures, je redéfinis le mot respect. FK plus de classe. À chaque phrase, on pourrait se croire à la veille d'un enterrement. FK plus de classe. Mon point de vue suicide, j'ai faire kiffer avec tierme. FK plus de classe. Tu grincages à la même force qu'un poisson dans un bocal. Mon rap est un rap. Tu vas te pendre à l'aide de ma corde vocale. Moi j'aime craquer le bif, tu tends des paquets 10 fils. Éclate tes chiffres, j'aime les paquets de fric. Bah ouais, j'aime trop le profit. J'parle pas de mes histoires, j'prends pas les jugements pour trophée. J'aime les biscuits, la vie de squad. J'aime quand j'compte les kills, ça dépasse plus mes 10 doigts. Donc dis-toi, j'ai la haine pire qu'un titan. Depuis le temps putain, j'suis dangereux putain. C'est qui sert, énervé, Oscar et FK. Du son bien fissière, énervé, trop sale, on baisse là. Ni tes idéaux, tes vidéos, j'raconte les stars. J'fais mon rap, ferme ta gueule, j'suis incontestable. Ici l'avenir appartient aux gens qui tapent les Tiesto. Illico, presto, maintenant dis-leur qu'on baisse tout. Ici on fait pas de boucherie, sans casser les os. Ghetto industrie, 9-2, dis-leur comment t'as fait les sous. Le niveau est lourd, dans ma cour des grands. Frappe sans les gants, si tu l'ouvres, j'te fourre mon gland. Tave sanglant, si tu guettes à bord pour tes tapants. Qu'est-ce t'attends pour tes gales, cavaler la bande. Arpente les strips à l'affût de nouvelles fraîches. Du 92 au Zen, l'adresse où je crèche. En plus sous contrat, c'est la prise de vitesse. Speed est la stratégie, protège toi contre la tèche. Crash test, homicide volontaire. Quand l'élément perturbateur opère, on se crée tête. Comment j'embête les teurs aspects qui enquêtent sur les crimes à commettre. Rame l'applaudimètre. Au micro, chasse les traîtres. Illico, coupe les têtes. Mon couplet, c'est le coup de couteau qui remue ta plaie. Faites de la place quand on passe. Tu veux les placer. Nervi, qui sert Oscar FK, plus de classe. Tu veux les placer, Nervi, qui sert Oscar FK, plus de classe. Tu veux les placer, Nervi, qui sert Oscar FK, plus de classe. Tu veux les placer, Nervi, qui sert Oscar FK, plus de classe. Tu veux les placer, Nervi, qui sert Oscar FK, plus de classe.